consulter la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on donne le coup d'envoi avec une nouveauté. En fait, c'est un premier extrait d'un album qui doit paraître le 25 novembre. Il s'agit de Kenandrum, le quatrième album de la formation grecque Verbal Delirium. Donc un avant-goût de cet album, un premier avant-goût, il y en aura d'autres. Et puis on aura aussi un second extrait de The Last Vision of the Chandu Priest, le projet de Francesca Zanetta de Unreal City et Calchidice Il Tuono, et de Niccolò Galani de Calchidice Il Tuono et Cellar Noise. Et d'Angleterre, on aura Gandalf Fist, un second extrait de leur neuvième album de cette formation britannique et qui a pour titre Wither Shins. Et Marc, après, ben, je pense qu'on revient tout simplement chez nous. En effet, c'est la formation Mystery de Montréal qui sont très connus à l'étranger surtout, même s'ils ont débuté ici en 86, formation fondée par Michel Saint-Père. Et ils présentent d'ailleurs cette semaine des concerts aux Pays-Bas, en France, en Belgique et en Allemagne. Et ils vont faire paraître au printemps prochain leur 10e album studio, Redemption. Et on aura pour vous ce soir un premier extrait de cet album, la pièce intitulée Behind the Mirror. Et ce sera suivi de la formation allemande Lodestone, qui ont fait paraître leur seul album en 1971 et s'était jamais paru en CD. On aura de cet album pionnier du rock progressif la pièce The Observer We Arrive Part 1. Mais comme vous disait Michel, on débute avec la nouveauté de la formation grecque Verbal Delirium. Thought about.

Pour plus d'informations, pour l'achat d'un billet, rendez-vous sur premieracte.ca. À la SAQ, oui, il y a des Champagnes et des Ricards, mais on a aussi des Nouyennes, des Rodriguez et des Lessards. Ton nom pourrait se joindre à tout ce beau monde puisque la SAQ recherche dès maintenant des caissiers-vendeurs. Postule en moins de 5 minutes à saq.com/caissier. Tous SAQ. Le Bal du Lézard, un incontournable depuis plus de 30 ans. Une ambiance sympathique, une clientèle éclectique et une programmation culturelle variée. Venez découvrir notre sélection de microbrasseries locales et québécoises à prix d'amis. En plus, le baby-foot est gratuit tous les jours. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. De retour à Terra Incognita, on entame cette nouvelle demi-heure avec le plus récent album de Galahad, la formation britannique, un extrait de l'album The Last Great Adventurer. C'est le 20e album studio du groupe si on inclut les albums de Galahad Acoustic Quintet et de Galahad Electric Company. Suivra Paolo Baltano, un multi-instrumentiste italien avec une feuille de route longue comme le bras. Et c'est un extrait de son premier disque solo réalisé pour Musea en 2011 et qui a pour titre Low Flare Flight to the Earth. Et après ça, on demeure en Italie, Marc, avec une nouveauté. Oui, c'est la formation Goto et leur premier album intitulé Mind Blowing. Ils avaient fait paraître une première pièce à l'été 2020 et ont créé depuis du nouveau matériel pour ce premier album. Et ce sera suivi de la formation québécoise Myriodor qui viennent de faire paraître leur nouvel album intitulé Elements. C'est leur 10e en carrière. Ils ont débuté en 1980. On aura la pièce Alambic, mais comme vous le disait Michel, on débute avec une nouvelle pièce de Galahad. Nothing at this point. seems fair. And it's not enough. It's just not enough to know that so many family and friends really care. Center of your world has been taken away so mercilessly. Another life not lived, a young life unfulfilled, a life full of promise and hope on the cusp of living. By a cruel twist of fate, fate, fate, fate, fate, fate, fate, fate. This is not a phase, there's no escape. And you question, what is there worth living for? Nothing makes sense to you anymore. And you question, of living, another life. forever remain, never fade away. You will always be a part of us. You will never fade away. I'm not sure why you.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Vous écoutez CKRL 89.1. L'Anglicane vous offre des spectacles inoubliables dans une salle au cachet unique. Musique, humour, théâtre et danse. Profitez d'une programmation riche et variée à quelques pas du traversier. Détails et billets au langlicane.com. Le Bal du Lézard, un incontournable depuis plus de 30 ans. Une ambiance sympathique, une clientèle éclectique et une programmation culturelle variée. Venez découvrir notre sélection de microbrasseries locales et québécoises à prix d'amis. En plus, le baby-foot est gratuit tous les jours. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15 % de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. La musique te passionne? Tu aimerais en apprendre davantage sur un instrument? Viens découvrir le Conservatoire de musique de Québec lors de sa journée porte ouverte le dimanche 13 novembre de 13h à 16h. Ateliers, récitals, essais d'instruments et rencontres avec nos professeurs. Plus de 20 spécialités enseignées, du primaire jusqu'au deuxième cycle universitaire. Les portes ouvertes du Conservatoire de musique de Québec, un rendez-vous musical à ne pas manquer le 13 novembre prochain. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on débutera avec un doublé de formation japonaise. On aura la nouveauté de la formation T avec leur nouvel album Total Edge Effect, qui a été enregistré au début de cette année, et c'est leur quatrième album en carrière. On aura la pièce Kaidan Kairu, et ce sera suivi de la formation Yuka et Chrono Ship, tiré de leur plus récent album Ship, paru en 2018, avec la portion Landing de la grande suite Argo. Et ensuite, Michel, on s'en va du côté de la Norvège et de l'Italie, avec deux formations qui ont fait paraître d'excellents albums cette année. Oui, deux albums dont on a présenté de très nombreux extraits. Dans un premier temps, on aura Necklectric de Norvège avec leur plus récent album Alt Blir Vert et Odessa avec son troisième album paru cette année, L'Alba della Civiltà. Un disque, il faut bien le dire, je pense qu'il n'y a pas une pièce qu'on n'a pas présentée. Et il faut dire aussi qu'on les recevait là, au fur et à mesure que le groupe finissait de les mixer. Donc, on a présenté une par une jusqu'à au lancement du disque. Et je pense que c'est la première fois en quasiment 20 ans qu'on a vécu quelque chose comme ça. Mais avant, on y va avec la nouveauté de la formation japonaise T. Thank you. jeg født i går, født ved siden av en kirkegård, der han selv skal ligge om 40 år. Han skal leve uten mål. Vente og vente og vente på at det skal ta skjønt. mia poesia è nata insieme a te. Se il tempo aspetterà, la proteggeremo dall'oscurità. Forse in mezzo a un campo, poi dentro il tramonto, notti dolci e giorni di libertà, celebrando questa vita, ma tanta oscurità che c'è. Io ti porterò nell'alba che verrà. Se lo vuoi, lo vorrai, ci sarò. Mentre il mondo può ferire, il tempo può guarire, contro gli sciacalli intorno a noi. Lotterò, disfarò, rifarò, finché l'ombra del risveglio sembrerà un bisbiglio. Che ti parla piano, come il vento che sussurra al grano, come io che stringo la tua mano a me. Bianca, il buio scenderà. La notte parlerà dei tuoi primi sogni, lei ti chiederà. Se li vuoi, li vorrai, ci sarà, perché dopo il tuo risveglio sussurra al grano, sono io che stringo la Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Premier acte, en collaboration avec la Caisse Desjardins et le collectif de la Machine à Moudre, présente « Pas de chouquel pour les casser », un texte et une mise en scène de Lauréane Dumoulin. Premier service, la violence. Deuxième service, la panique. Troisième service, qui sait? Mais les carottes sont toujours pas cuites. Pas de chouquel pour les casser, du 1er au 19 novembre à Premier Acte. Pour plus d'informations ou pour l'achat d'un billet, rendez-vous sur premieracte.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation américaine Mars Hollow. Ils ont été fondés à Los Angeles en 2007 et se sont séparés en 2012. Ils ont deux albums, donc un en 2010 et un en 2011. On aura un extrait ce soir de leur premier album avec la pièce Wait For Me. C'est un album éponyme, une formation qui était venue d'ailleurs nous rendre visite à Québec. Mais pour débuter, Michel, une formation d'Israël. Oui, une des rares formations de rock progressif israélienne. Un groupe qui a été formé là, à la fin des années 90. Un seul album, malheureusement, à sa feuille de route. C'est l'album Ever After qui a été lancé en 2011. Et on va écouter la seconde pièce de cet album. Je pense que le titre est en italien, c'est Il Tredici. Thank you. Thank you. day. I'm losing all my faith. The spirit in my body fades away. And one by one, the days without the sun are keeping me from loving. The spirit is c'est déjà le temps de vous quitter. Et ce soir, on vous laisse avec un extrait d'un album d'un groupe italien qui a pour nom Il Ruccello. Un seul album, malheureusement. J'aime beaucoup cet album. Et le titre, c'est Paesaggio Solace Estate 1972. Le 1972, je vous le dis en français parce que c'est moins facile pour moi de le dire en italien. Et c'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous, les deux dernières heures. Merci d'avoir été des nôtres. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Rumori dei furgoni e dei motori, già si